La pénurie de produits est en augmentation en France et c'est devenu un véritable problème pour les consommateurs. Selon un sondage, les ruptures de stock sont devenues le premier désagrément ressenti par les consommateurs dans les magasins avant même l'attente aux caisses. Les ruptures ont en effet atteint un record de 5,5% en 2022. Cela représente même un manque à gagner pour les magasins d'environ 4,8 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, les produits les plus touchés sont les eaux gazeuses, les œufs, les aliments pour animaux et la crème fraîche. Et les causes de ces ruptures sont variées, comme par exemple la grippe aviaire, les conditions météorologiques, les difficultés de recrutement, l'inflation et la guerre en Ukraine. Et il se peut qu'il y ait des nouveaux produits manquants dans les mois à venir. Pommes de terre, riz et, encore une fois, les œufs. Alors, les fabricants et les distributeurs assurent que les ruptures seront temporaires, mais faut-il les croire ? Pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Paul. Paul Stron est breton. Et il commence à en avoir un petit peu marre quand il va faire ses courses de voir des produits qui ne sont pas là. Et d'ailleurs, c'est le principal problème actuellement des Français. 39% des Français se disent gênés par les ruptures de stock. Et ça vient avant des désagréments liés aux caisses qui seraient trop lentes, qui ne concernent que 37% des Français. Et sa première pénurie, finalement, Paul s'en souvient comme si c'était hier. Il l'a connue il y a 2 ou 3 ans, l'été. Il se souvient que c'était l'été parce que la pluie était moins froide. Enfin, comme le dit notre breton, mieux vaut un bon rhume ici qu'un mauvais coup de soleil là-bas. Donc, Paul commence à en avoir un petit peu marre des ruptures. Et d'ailleurs, les magasins aussi. Il y a à peu près 5,5% de ruptures en magasin en ce moment, et ça représente un chiffre d'affaires perdu d'à peu près 4,8 milliards par an. Donc, personne n'y gagne dans les magasins ou parmi les consommateurs. Paul, lui, ne souhaite qu'une chose, c'est trouver ses produits. Et il commence par aller vers les boissons. Alors, il voit bien que l'eau pétillante et l'eau parfumée manquent à l'appel. Mais vous vous doutez bien que pour un breton, c'est pas le principal problème. Lui, tant qu'il trouve du cidre et de la bière, tout va bien. Après avoir fait ses courses de cidre et de bière, il va dans un autre rayon. Un rayon beaucoup plus stratégique pour un breton puisqu'il s'agit des œufs. Or, les œufs, c'est la base pour pouvoir faire des crêpes. Et les crêpes, ça sert à tout. Ça sert à manger et même en temps de pénurie de papier toilette, on peut en faire un peu plus pour pallier au problème. Donc, il arrive au niveau des œufs et il s'aperçoit qu'il n'y a plus assez d'œufs. Et ça, c'est une pénurie qui est très fréquente. Un peu comme les eaux qui le gênent nettement moins. Cette pénurie d'œufs et d'eau est 2 fois plus fréquente que les pénuries en général dans les supermarchés. Bref, il n'y a pas d'œufs. Paul appelle un rayonneur et lui demande quand les nouveaux œufs sont censés arriver. Et là, le rayonneur est très embêté. A priori, il n'y aura pas d'œufs avant quelques temps. En fait, leur problème, c'est qu'il y a eu une grippe aviaire en France. Ça, je vous en avais averti il y a déjà quelques mois. Or, une grippe aviaire, pour pouvoir s'en remettre, il faut compter à peu près 10 mois. 10 mois pour que la production soit relancée. Donc, il manque des œufs actuellement, et si on arrive de temps en temps à en avoir, eh bien, il faut savoir que cette pénurie, elle va se renouveler encore dans les mois qui viennent. Un peu agacé, Paul continue son chemin. Il se dit que manquer d'œufs, ça va être un véritable problème. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir un nouveau type de crêpe. Et il arrive au rayon du riz. Et là aussi, pas de riz. Il rappelle le magasinier, le rayonneur. Et celui-ci lui dit qu'il y a eu des problèmes climatiques en Inde et au Pakistan. J'avais averti déjà de ce problème de riz en décembre dernier. Et j'avais dit qu'on aurait à peu près le problème en février-mars. Comme quoi, j'avais raison. Quoi qu'il en soit, il y a eu des problèmes climatiques au Pakistan et en Inde, ce qui fait qu'on n'a pas assez de riz en France. Et c'est pour ça que régulièrement, vous voyez des problèmes d'approvisionnement en riz. Et ce problème, il va durer dans les mois qui viennent. Donc, si vous avez la possibilité de le faire, faites une réserve de riz et de pommes de terre. Oui, parce que les problèmes climatiques, ils ont concerné l'Inde et le Pakistan, mais ils ont aussi beaucoup concerné la France. Ce qui fait qu'on n'a pas assez de pommes de terre. La production de pommes de terre a reculé en France. Donc là aussi, il vaut mieux penser à en faire une certaine provision. Paul, de plus en plus agacé, avance dans les rayons, il va chez les pâtes, et là, pas de pâtes. Il rappelle le magasinier, et lui demande ce qui peut bien se passer pour les pâtes. Là, le magasinier lui dit que le problème, c'est que tout le monde en a acheté. En fait, je ne sais pas si tout le monde regarde les vidéos Draw My Economy, mais tout le monde a eu peur d'une pénurie de pâtes. Et du coup, les plus précautionneux ont fait des grosses réserves de pâtes. ce que les fabricants n'avaient pas du tout anticipé. L'autre raison pour laquelle il y a eu des réserves de pâtes qui se sont faites, eh bien c'est tout simplement à cause de l'inflation. Quand les prix ont augmenté, les gens ont préféré stocker des pâtes pour pouvoir éviter d'avoir à les acheter beaucoup plus cher plus tard. À ce moment-là, Paul commence à engueuler le magasinier. Il lui demande comment ça se fait qu'il y ait autant de problèmes. Et le magasinier lui dit que le problème, c'est un peu ce qu'ils vivent actuellement. En fait, il y a une grosse difficulté de recrutement actuellement dans les supermarchés, et notamment dans la partie logistique. Ce qui fait que la logistique est grippée. Non seulement il manque des produits au niveau des fabricants, mais en plus, quand il y en a, la logistique se grippe. Et le magasinier lui fait remarquer que si, en plus, on l'appelle toutes les 30 secondes pour lui faire remarquer qu'il manque un paquet de riz ou un paquet de pâtes, cela n'aide pas du tout à mettre les choses en place. Un peu confus et grognon, Paul décide alors d'aller un peu plus loin. Il se dit qu'après tout, s'il manque autant de produits, il va se consoler avec un bon cassoulet. Et il va tranquillement dans les boîtes de cassoulet. Et là, il s'aperçoit que sa marque préférée, William Serin, n'est plus présent. Alors, il aurait bien envie d'appeler le magasinier, mais il sent bien que ça passerait mal. Et il n'ose pas le faire. Mais Paul, rassure-toi. En fait, le problème, là, ce n'est pas du tout les matières premières. Là, le problème, c'est la hausse des prix de l'énergie. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, eh bien en fait, William Serin a dû stopper 80% de sa production et 50% de ses usines. Pourquoi ? Tout simplement parce que le prix de l'électricité a été multiplié par 10 pour lui. Ce qui fait qu'il n'était plus du tout rentable de produire des boîtes William Serin et qu'il n'en produira plus tant que le prix sera aussi élevé. Bref, actuellement, vous avez parfois des pénuries d'eau aromatisée, d'eau gazeuse, d'œufs, de nourriture pour animaux et de crème. Ces pénuries-là, elles vont continuer à peu près dans les mêmes proportions, mais elles vont s'atténuer. Et demain, vous allez avoir des nouvelles pénuries. Les œufs, toujours et encore, pendant encore quelques mois, le riz et les pommes de terre. Et mon conseil, même si ce n'est pas très citoyen, eh bien c'est de faire des petits stocks. Peut-être qu'il y aura effectivement le problème qu'on a pu rencontrer avec les pâtes, où tout le monde s'est mis à stocker, mais au moins, ce n'est pas vous qui aurez le problème. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes en train de faire des stocks ? Est-ce que vous allez faire des stocks d'œufs, de pommes de terre, de riz ? Ou est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être citoyen et que chacun se contente uniquement du nombre de produits dont il a besoin dans l'immédiat ? Dites-le-moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, la pénurie d'eau gazeuse, c'est l'occasion de découvrir la bière. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.